Benéil l'Auvergnat là, tu m'as étonné là. J'estime que t'as assuré, surtout avec le son de violon là, tu m'as bluffé là. T'as triché, c'est pas toi qui joues. Hein, t'as triché Ben, c'est pas toi qui jouais là, c'était ta fille. Ah, tu m'as bluffé avec le son de violon là, ça m'a plu. Ah bah oui, c'est pas toi qui jouais, c'est Korg. J'ai plus de son. Thank you. Thank you.